بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصفيه من خلقه وخليله. أشهد بأنه قد أدى الأمانة ونسح الأمة وكشف الله به الغمة. وأشهد بأنه قد جاهد في الله حق جهاده حتى يأتيه اليقين. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah ta'ala, nous rentrons aujourd'hui dans notre cinquième épisode de la série des califes bien guidés jusqu'au califat du Mahdi. Série dans laquelle nous avons décidé ensemble d'étudier et d'analyser l'histoire de notre califat, l'histoire de ce système de gouvernance islamique depuis l'époque des nobles sahaba et des plus nobles d'entre eux, c'est-à-dire les quatre premiers califes, Abu Bakr, Omar, Othman ou Ali, et de voir quelle tournure a pris cette gouvernance. Qu'est-ce que ce système et cette culture a fait naître à travers l'histoire? Quelles sont les sectes qui sont apparues? Quels sont leurs fondements? Et quelles étaient les causes et les raisons des divisions qui sont apparues dans notre noble religion? Et tout ceci, inshallah, nous le parcourrons à la lumière du Coran et de la Sunna, en citant les faits historiques que nous ont rapportés nos savants historiens. Et bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, nous en arriverons au califat du Mahdi, al-Mahdi al-Muntadar, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé et qu'il a qualifié comme étant un être de sa famille qui répandra sur la terre la justice autant qu'elle était remplie d'injustice. Et nous verrons donc par toute cette histoire quelles sont les prémices de l'arrivée du Mahdi. Et nous comprendrons par cela, incha'Allah ta'ala, les événements que nous sommes tous en train de vivre, à savoir la situation et le conflit irako-syrien, qui sont, wallahu ta'ala a'lam, les prémices de l'arrivée du Mahdi, de Dajjal et de Isa alayhi salatu wassalam. Nous avons vu dans l'épisode précédent, dans la conquête de Khalid ibn al-Walid de la ville de l'Ubulla, que par l'ampleur de la terreur que les musulmans inspiraient à leurs ennemis, ils ont pu conquérir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala une des plus importantes villes de l'Empire perse avec une facilité déconcertante. Et combien de batailles Khalid ibn al-Walid a-t-il remporté en raison de sa réputation, de l'effroi que renfermaient les cœurs de ses ennemis avant même que les deux armées ne se rencontrent? Telle est la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « J'ai été victorieux par la terreur que j'inspire à mes ennemis à une distance d'un mois de marche. » Comme il a été rapporté dans le hadith. Et telle est également la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de suivre lorsqu'il a dit dans le Coran فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, donc si tu les maîtrises à la guerre, inflige-leur un châtiment exemplaire de telle sorte que ceux qui sont derrière eux soient effarouchés afin qu'ils se souviennent. Et telle est la voix des gens de Ahl Sunnah à travers l'histoire jusqu'à nos jours. Et cela comme tout le monde a pu le constater. Et donc, après avoir envoyé le cinquième du butin à Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu à Médine, la part qui revenait à chaque musulman pour cette bataille fut de 1000 dirhams, ce qui était une somme que les Arabes n'avaient pas l'habitude de recevoir à cette époque-là. Depuis El-Ubulla, Khalid ibn Walid envoyait une armée pour soumettre le reste de la région. Et El-Muthanna termina par la forteresse de la femme, ce qu'on appelait la forteresse de la femme, et qui était situé près d'un fleuve appelé le fleuve de la femme. Et cette forteresse était à une femme émir perse qui se nommait Kamurzad. Al-Muthanna laissa son frère Al-Mu'anna ibn Haritha s'occuper d'elle tandis qu'il se dirigea vers la forteresse de l'homme. Donc forteresse qui était appelée la forteresse de l'homme, qui était tenu par l'époux de Kamurzad, et il put la conquérir bifadlillah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Kamurzad apprit cela, elle abandonna sa forteresse qui fut donc conquise par El-Mu'anna, le frère de El-Muthanna. Et par la suite, ce dernier prit Kamurzad en épouse après qu'elle ait embrassé l'islam. C'est donc ainsi que Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu put conquérir une région qui était connue pour sa puissance et put faire trembler le cœur du peuple perse qui était bien loin de s'imaginer que les Arabes puissent un jour leur déclarer la guerre. Et pour parachever ce plan, et avant de quitter Al-Ubulla, Khalid ibn al-Walid savait que le port de Al-Ubulla était de la plus haute importance. En effet, il était situé au sud-ouest de la Perse, aujourd'hui en Iran, avec vue sur le golfe Persique, ainsi que le littoral arabique. Et les bateaux de Chine et de l'Inde venaient s'y amarrer. Ainsi donc, Khalid plaça trois garnisons de soldats aux frontières de l'Ubulla, afin de la protéger, afin de faire le ribat fi sabilillah, de monter la garde pour protéger cet endroit-là. Une commandée par Qutba ibn Qatada, la deuxième par Suwaid ibn Qutba et la troisième par Shuraih ibn Amir. Le commandant en chef de ces trois garnisons était Suwaid ibn Muqrin, qui s'établit à Hafir, aux portes de la péninsule arabique et à la frontière avec l'armée de Khalid ibn Walid, afin qu'il serve de ligne arrière de défense. Suwaid ibn Muqrin était l'un des 10 fils de Muqrin, dont tous les fils étaient dans l'armée de Khalid ibn Walid pour combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avions déjà évoqué dans l'épisode précédent. Il a été question de Suwaid à deux occasions. La première fois, lorsque Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu sortit lui-même combattre la tribu de Beni Shayba lors de l'offensive lancée par cette dernière contre la ville de Médine au début des guerres d'apostasie. À ce moment-là, Suwaid ibn Muqrin était à l'arrière-garde de l'armée, tandis que ses deux frères, Al-Nu'man Ibn Muqrin et Abdullah Ibn Muqrin étaient d'une part et d'autre de l'armée. Et la deuxième fois qu'il fut question de Souwayq, la deuxième fois qu'il fut mentionné, Souwayq Ibn Muqrin, c'est lorsque ce dernier fut désigné à la tête de la 11e armée qui se dirigea vers Tahama au Yémen pour les guerres d'apostasie. Cette fois-ci était donc la troisième. C'était donc la troisième fois qu'il était mentionné au cours des batailles. Et Khalid ibn Walid le laissa donc dans les garnisons de défense et le chargea du prélèvement de l'impôt de capitation, la jizya, et des autres impôts sur cette région-là. Quant à lui, il se dirigea vers le nord. Ainsi donc fut la fin de la conquête de l'Ubulla. Et nous en avons tiré les leçons que nous avons déjà évoquées. Quelques temps après, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu ta'ala anhu retourna auprès de son seigneur suite à une maladie qu'il avait atteint et prit sa place en tant que calife Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Omar ibn Khattab, de 13 ans, le cadet du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Omar ibn Khattab ibn Nufayl, de la tribu de Quraysh, des Benu Adi. Il était durant la Jahiliya, c'est-à-dire la période avant l'islam, la période anti-islamique, un ambassadeur de Quraysh. Quand des désaccords ou des guerres se produisaient parmi les factions de la Mecque, ou encore entre la Mecque et les autres tribus d'Arabie. Et on a vu précédemment qu'il était dans les premières années de la prophétie l'un des pires ennemis de l'islam et des musulmans. Mais qu'en l'an 6 de la prophétie, Allah subhanahu wa ta'ala ouvrit son cœur à l'islam. Et sa conversion fut alors d'un grand secours pour l'islam et ses adeptes. Aussi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala autorisa les musulmans à s'exiler à Médine, tous partirent en secret, sauf Omar ibn Khattab. Sauf Omar ibn Khattab qui le fit publiquement, prenant ainsi les chefs de Quraysh au dépourvu. Et leur lança carrément un défi qui est aujourd'hui connu. Lorsqu'il voulait voyager, il prit ses affaires et avant de partir, il leur dit que celui qui veut voir ses femmes veuves et laisser ses enfants orphelins, alors qu'ils me suivent derrière cette montagne. À Médine, Omar ibn Khattab sera l'un des très proches compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui suivait d'ailleurs son conseil dans bon nombre d'affaires concernant les musulmans. Ainsi, Omar ibn Khattab participa ainsi à la plupart des batailles. Ses principales qualités étaient la justice et la fermeté. La justice totale, sans partialité ni favoritisme, et la fermeté basée sur la réflexion et la sagesse. Avec ces deux caractéristiques, parmi tant d'autres qualités de dirigeant qu'avait Omar ibn Khattab, Omar radiallahu anhu épaulera donc Abu Bakr al-Siddiq dans la direction de l'État islamique lorsque Abu Bakr était à la tête de celui-ci. Il était sans conteste, le plus illustre des compagnons après Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Au point où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith, si je devais vous citer toutes les qualités de Omar, je resterai avec vous autant de temps que Nuh a prêché son peuple, subhanallah, pendant 950 ans. Et il dit, et Omar n'est qu'une bonne action de Abu Bakr. Allah. Omar n'est donc pas étonnant que le premier calife de l'islam lui ait légué le califat après lui. Après la mort de Abu Bakr a désigné Omar comme calife. Et c'est pas étonnant. On ne pouvait trouver de meilleur successeur au meilleur prédécesseur. Alors quelles sont les réalisations de Omar ibn Khattab? Le califat de Omar ibn Khattab dura environ 12 ans et demi, durant lesquels il s'activera sans discontinuer dans le dessein de renforcer l'islam et d'élever l'État musulman, l'État islamique. Le bilan de ses œuvres est rempli de très grandes réalisations, tant sur le plan intérieur que sur le plan de la politique étrangère. D'abord sur le plan intérieur, Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu poursuivra le mouvement de conquête initié par son prédécesseur Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, et avec pour résultat l'annexion de la majorité de la Perse, tout en y en propageant l'islam dans ces contrées-là, dans cette région-là, ainsi que l'annexion de nombreuses régions de l'État byzantin en Assyrie, aujourd'hui la région du Sham, qui était dominée par l'Empire romain byzantin. Le général en chef des musulmans sur le front perse était donc Sa'd ibn Abi Waqqas al-Zuhri al-Quraysh. Omar ibn Khattab avait retiré donc le commandement de l'armée en Perse à Khalid ibn Walid. Et sous le commandement de ce grand général qui était Sa'd ibn Abi Waqqas, l'armée musulmane l'emporta sur celle des Perses par la bataille de l'Qadisiyya, où le général perse Rustum trouva la mort ainsi que des dizaines de milliers de ses hommes. Toujours sous le commandement de Sa'd, Al-Mada'in, la capitale perse, située sur le bord du fleuve de Dajla. De Dajla passa au mois de Safar en l'an 16 de l'Égypte sous domination musulmane. Et Yazdgard, le roi perse, n'accepta pas pour autant la défaite subie et se mit donc à se préparer et à rassembler son armée. Et en l'an 21 de l'Égypte, c'est-à-dire en 641 de l'ère païen, une des plus grandes batailles entre musulmans et perses eut lieu. La fameuse bataille de Nahawan dans l'actuel Iran, au sud de Hamadan, où les musulmans sous le commandement de Nu'aym ibn al-Muqrin radiallahu ta'ala anh, et donc d'ailleurs Nu'aym fut tué dans cette bataille et assigna son frère comme successeur avant de mourir. Et donc dans cette bataille-là, les musulmans remportèrent une splendide victoire. La prise de Nahawan sera une conquête décisive pour la suite. En effet, elle débouchera sur la chute de l'Empire perse. Et il n'y aura après elle aucune bataille d'une telle grande envergure à cette époque-là. Et sur le second front, celui de Byzance, du côté des Romains, territoire dominé par les Romains, bon nombre de généraux musulmans vont s'illustrer et seront les artisans de très belles victoires. Sous le commandement de Abu Ubaida ibn Jarrah radiallahu ta'ala anhu, quatre grandes villes de Syrie seront conquises: Damas, Dimashq, Homs, aujourd'hui connu sous le nom de Homs, Hama et Halab. Alep. Par ailleurs, toute la Palestine sera conquise par l'armée de Amr ibn al-As et Yazid ibn Abi Sufyan radiallahu anhuma, avec en l'an 15 la prise de Jérusalem, qui était la capitale spirituelle, qui est même la capitale spirituelle de cette région. Omar ibn Khattab écrira à ses habitants un message considéré comme le modèle de ce que les relations entre l'État islamique, l'État musulman dominant et les populations conquises adeptes d'autres religions, telles que Ahlul Kitab, les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, devraient être. La conquête de la Palestine ouvrira le chemin à la marche vers l'Égypte, qui était également sous autorité byzantine, romaine. Et c'est également Amr Ibn al-As radiallahu ta'ala anhu qui suggéra au calife Omar de la conquérir. Après quelques hésitations, le calife accepta et Amr conduisit les forces islamiques à l'assaut du pays de Pharaon. Il réussit à s'emporter et à lancer les armées musulmanes jusqu'à s'emparer de la forteresse de Babylone, c'est-à-dire celle d'Égypte. Babylone d'Égypte. Parce qu'il y avait Babylone en Perse, il y avait Babylone d'Égypte. Et ainsi, il pénétra donc sur Alexandrie, la capitale égyptienne sous l'ère romaine, et l'assiégea jusqu'à ce qu'elle tombe entre les mains des musulmans du Fadlallah Azzawajal. Et c'est ainsi que l'Égypte passa sous le giron islamique. Et c'est ainsi que, qu'en 10 années environ, la conquête de la Perse, de l'Irak, de l'Égypte et de l'Assyrie furent achevées. Les frontières de l'État islamique s'étendaient désormais de l'Est jusque sur les bords du fleuve Sindh, c'est-à-dire dans le Pakistan actuel, et du fleuve Jihoun. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, avait dit lors de son discours d'investiture aux gens: si quelqu'un d'entre vous voit en moi des déviances, qu'il me corrige. Et comme nous l'avons dit, un mercredi, 4 jours avant la fin du mois de Dhul-Hijjah, de l'an 23 de l'Hégire à Médine, le calife Omar ibn Khattab radiallahu anhu se rendit à la mosquée pour guider la prière de Fajr. Et après avoir aligné les rangs et prononcé le takbir, ce Perse, nommé Fayrouz, Abu Lu'lu'a, sortit du premier rang des fidèles et se rouilla sur le calife en lui asséniant 6 coups de poignard et d'un poignard qui était empoisonné. Il reçut un coup à l'épaule, un autre dans le ventre et un dernier sous le nombril qui lui fut fatal. Fayrouz, le maudit par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, poignarda aussi 13 autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont 7 trouvèrent la mort, et il y avait parmi eux Kulayb ibn Bukayr. Amr ibn Maymoun, qui se trouvait présent dans la mosquée lors du crime, rapporte qu'au moment où il se faisait poignarder, c'est-à-dire Omar ibn Khattab, je l'ai entendu dire: le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Et neutralisé par Abdullah ibn Auf, qui le couvra de son manteau, Fayrouz, le maudit, tomba par terre et se donna la mort dans l'instant suivant. Il se suicida. Et grièvement blessé, Omar ibn Khattab prit immédiatement Abdurrahman ibn Auf par la main pour l'inviter à guider la prière, et Omar ibn Khattab s'effondra et perdit connaissance. Le calife fut ensuite amené chez lui pour être soigné, et les premiers mots qu'il prononça en reprenant conscience furent: qui est mon assassin? Subhanallah. Son fils Abdullah, qui était assis à son chevet, lui répondit: Abu Lu'lu'a. Et Omar lui dit, répondit: Alhamdulillah, qui a fait que je ne sois pas frappé ou tué par un musulman. Je sais que les Arabes n'auraient jamais fait cela. Il s'éteignit en martyr à l'âge de 63 ans, comme nous l'avons dit, après 3 jours de souffrance et 10 ans de gouvernance, 12 ans de gouvernance. Ce qu'il désirait le plus dans ses invocations finit par se réaliser. Et dans une source authentique, il est rapporté qu'il disait souvent dans sa prière: « Oh Allah, accorde-moi le martyr sur ta voie ainsi que la mort dans la ville de Mohammed, de ton messager sallallahu alayhi wa sallam. » Et Uthman radiallahu anhu rapporte qu'à l'heure de sa mort, alors que son fils Abdullah se trouvait à ses côtés, Omar demanda à son fils de lui poser sa tête au sol et s'exclama: « Malheur à moi et malheur à moi et à ma mère si Allah ne me pardonne pas. » Subhanallah. Cette dernière parole était celle d'un homme à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il faisait partie des 10 compagnons promis au paradis. Imaginez-vous, subhanallah. Sa parfaite connaissance de la valeur d'Allah azza wa jal avait fait de lui un être dont le cœur était rempli de la crainte à la lumière de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, ceux qui craignent Allah parmi ces hommes sont les savants. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Son exemplarité se manifesta jusqu'à la dernière minute de sa vie. Lorsqu'il voulut que son fils lui pose la tête par terre en signe d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah l'a voulu, il fut enterré à côté de la tombe de ses deux compagnons parmi les bien-aimés qui étaient le prophète alayhi salatu wasalam et Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Et c'est son compagnon Suhayb ibn Sinan qui effectua sur lui la prière mortuaire. Et la mort de Omar fut une grande tristesse pour la communauté musulmane, qui ne s'en remit que difficilement, dont l'imam Ali radhiyallahu anhu, ainsi que Abdurrahman ibn Auf. En fait, son assassinat avait été l'objet d'une conspiration formée par un groupe de Perses alliés à des chrétiens et à des juifs. Et cette affaire ne peut être déconnectée de la politique étrangère entre les musulmans et les peuples conquis, qui agirent par instinct de conservation. Certains Perses, chrétiens et juifs, envieux, ne purent supporter l'ampleur qu'avait pris l'islam sur leur religion et les victoires répétées des musulmans au cours de leur conquête. Méditez bien sur ça, ya ikhwan wa ya akhawat. Frustrés et ne trouvant donc pas d'autres moyens, c'est de façon clandestine qu'ils décidèrent de porter atteinte aux musulmans et de finir avec l'émir des croyants, Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et Fayrouz aujourd'hui est considéré en Iran comme un héros national. As-Sayyid Hussein al-Moussaoui, un savant chiite de Najaf en Irak, déclare, je cite, « Sache que dans la ville irakienne de Kashan, il y a un lieu qui s'appelle Baghifin, où se trouve la tombe symbolique d'un soldat inconnu en hommage aux Perses et Mazdéen Abou Lu'lu'a Fayrouz, celui qui tua le deuxième calife Omar ibn Khattab radiallahu anhu. » Et ce monument, subhanallah, s'appelle en Iran le mausolée de Baba Shuja ad-Din, qui n'est autre que le surnom de Fayrouz, comme l'affirme si bien ce kafir parmi les savants chiites, As-Sayyid Hussein. Et sur le mur de ce monument-là, nous pouvons lire en perse Merkber Abu Bakr, Merkber Omar, Merkber Othman, ce qui signifie mort à Abu Bakr, mort à Omar et mort à Othman. Et donc cette chose-là qui est bâtie en l'honneur de Fayrouz est régulièrement visitée par les chiites. Ils viennent y déposer leurs aumônes et se rassemblent chaque année pour y célébrer l'assassinat de Omar dans une fête qu'ils appellent Aïd el-Omar, la fête de Omar. Le 9e jour du mois de Rabi' al-Awwal, qatalahumullah, qu'Allah les anéantisse. Et rappelons pourtant que Ali ibn Abi Talib, dont ils se réclament leurs partisans, tenait Omar en haute estime. Il dit, nous avions l'habitude, nous les compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, de considérer que la quiétude et la noblesse se manifestaient par la langue de Omar, rapportée par Ibn Munir dans son musnad. Et subhanallah, observons ce qu'a dit le descendant de Ali ibn Abi Talib, Ja'far al-Siddiq, que tous les chiites considèrent comme leur sixième imam, soi-disant. Qu'est-ce qu'il a dit concernant Abu Bakr et Omar? Il a dit, celui qui ne dit pas du bien de Abu Bakr et de Omar ne peut se réclamer de moi et je n'ai rien à voir avec lui. Et donc, avant de mourir, Omar ibn Khattab prépara sa succession. Ainsi, Omar ibn Khattab laissa aux compagnons la possibilité de choisir leur successeur. Au cours des trois derniers jours de sa vie, sur son lit de mort, il fit venir Ali ibn Abi Talib عثمان بن عفان، زبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص et Abdurrahman ibn Auf, ainsi que Talha ibn Ubaydullah, pour leur dire. J'ai bien étudié la situation et je suis arrivé à la conclusion suivante. Vous êtes les dirigeants et les chefs des différents, clans. Et je suis convaincu que c'est l'un de vous qui doit diriger les musulmans. En vérité, je ne crains pas les gens pour votre personne, si vous êtes juste. Mais je crains que les gens ne se divisent si vous-même, vous n'arrivez pas à vous entendre. Consultez-vous et choisissez le plus compétent d'entre vous. Abdullah ibn Omar sera votre témoin, mais il ne sera pas concerné par la succession. Entre-temps, chargez Suhaib de guider la prière. Puis, après ça, il s'adressa à Abu Talha al-Ansar, qui était le chef des Ansar, en lui disant « Oh Abu Talha, par vous, les Ansar, Allah a honoré l'islam. Désigne 50 personnes des Ansar et soyez avec vos frères jusqu'à ce qu'ils choisissent l'un d'entre eux pour me succéder. » Omar ibn Khattab se tourna enfin vers son fils Abdullah pour lui dire « S'il y a un désaccord dans le choix du calife, tu te mettras du côté de la majorité. Mais si les deux groupes sont à égalité dans les voies, alors tu te mettras du côté du groupe où se trouve Abdurrahman ibn Auf. » Notez bien, subhanallah, notez bien, parce que là, nous allons aborder un thème que je pense chacun aimerait bien avoir un éclaircissement, à savoir comment est-ce que le calife est désigné. Et donc, d'une part, il faut noter que Omar veilla à ce qu'il n'y ait pas de népotisme en interdisant à son fils de participer aux élections et d'être désigné calife. Il lui confia juste le rôle d'arbitre entre les partis. Et d'autre part, il faut remarquer aussi qu'il ne cherchait pas à imposer les 6 compagnons cités. Il avait très bien conscience du principe de la consultation en islam, Ashura. Il s'agissait plutôt d'une recommandation et d'une proposition pour donner des pistes à la communauté. Il voulait juste mettre en avant que selon lui, ces compagnons-là étaient les plus aptes à la succession. Ainsi, Omar ibn Khattab laissa après lui, ou désigna après lui, l'un de ces 6-là. C'est-à-dire qu'il a dit aux compagnons de se consulter pour désigner un des 6. C'était ça qu'avait légué Omar ibn Khattab. C'est un de ces 6-là, après Shura, qu'avait choisi Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, avec les règles que nous venons de citer. Et avant sa mort, Omar ibn Khattab donna d'importantes recommandations à la personne qui lui succédera. Et il dit donc à cette assemblée qu'il avait désigné. Il dit donc à celui qui sera le calife des musulmans, « Je te recommande de craindre Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, sans rien lui associer. Je te recommande la bienfaisance envers les muhajirin, c'est-à-dire les émigrés de la Mecque, ou les émigrés en général, ainsi que la reconnaissance de leur statut prioritaire. Je te recommande la bienveillance envers les ansar, c'est-à-dire ceux qui ont accueilli les émigrés, c'est-à-dire les auxiliaires, les médinois. Ouvre tes yeux sur leurs qualités et ferme tes yeux sur leurs défauts. Je te recommande la bienveillance envers les habitants des provinces, car ces derniers sont un soutien face aux ennemis et sont des contribuables. Tu ne taxeras de leur richesse que le surplus. Je te recommande aussi la bienfaisance envers les habitants du désert, car ils sont les Arabes d'origine et la force de l'islam. Je te recommande la bienfaisance envers les protégés, Ahlul Dhimma, ceux qui payent l'impôt, la jizya, en combattant ceux qui chercheront à leur porter atteinte et en ne les chargeant pas au-dessus de leur capacité, mais en s'assurant qu'ils payent la jizya. Je te recommande la crainte d'Allah et la méfiance envers lui. Appréhende le fait qu'il trouve en toi quelque chose qu'il déteste. Je te recommande de craindre Allah subhanahu wa ta'ala concernant les gens et de ne pas craindre les gens concernant Allah. Je te recommande la justice envers le peuple. Préoccupe-toi de ses affaires ainsi que des postes frontières. et ne privilégie pas les richesses sur les pauvres. C'est ainsi que tu gagneras par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala un cœur sain et que ton fardeau sera allégé. Traite les gens avec égalité et sois impassible quant à l'application du droit et concernant Allah subhanahu wa ta'ala, ne sois déstabilisé par aucun reproche. Établis la justice. Sois admonestateur envers toi-même. Allah sera satisfait de toi si tu es miséricordieux envers les musulmans, vénérable envers leurs aînés, compatissant envers leurs enfants et honorable envers leurs savants. Et ne les frappe pas, car c'est ainsi qu'ils s'égareront et qu'ils seront en colère contre toi. Et ne leur ferme pas ta porte, car c'est de cette façon que le plus fort d'entre eux opprimera le plus faible. Voici les recommandations que je souhaiterais te faire. Je prends Allah subhanahu wa ta'ala à témoin contre toi et je te transmets le salut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fin de citation de la recommandation de Omar ibn Khattab. Et je pense que cela se passe de commentaires. Sous le califat de Omar ibn Khattab, les musulmans se sont déployés dans une grande partie du monde, comme nous l'avons déjà vu. Le califat était ainsi un territoire comprenant plusieurs cultures, peuples et religions vivant sous le droit musulman, garantissant la justice et la miséricorde pour tous au-delà des appartenances. Omar ibn Khattab était un homme de fermeté en matière de justice. Avant sa conversion, il était le pire ennemi de l'islam. Mais en embrassant l'islam, il devint le pire ennemi des idolâtres de Quraysh et un des plus grands défenseurs de l'islam et des musulmans. Bifadlillah azza wa jalla. Le compagnon Abu Mas'ud a dit: nous ne pouvions adorer Allah en public que lorsque Omar embrassa l'islam. Et quand il devint calife, il se préoccupa énormément du sort des musulmans et des protégés des musulmans. Ahlul Dhimma, ce qui payait la jizya. On rapporte de lui ces paroles: si un mulet trébuche en Irak, Allah m'en demandera compte en me disant: ô Omar, pourquoi ne lui as-tu pas aplani le chemin? Et il dit aussi: celui qui prend en charge les affaires des musulmans est considéré comme leur serviteur. Ils ont sur lui le droit qu'a le maître sur son serviteur, celui de lui donner des conseils et de bien gérer ses affaires. Ainsi, comme nous l'avons vu, Omar ibn Khattab fut l'initiateur de nombreuses innovations en matière de politique, non pas d'innovation religieuse. Au cours de son califat, par exemple, que ce soit au niveau financier, politique, administratif ou social, il a mis en place le trésor public Bayt al-Mal. Il a introduit le calendrier hijrien, comme nous l'avons dit, et il organisa une assemblée consultative, Majlis al-Shura. Il établit aussi un bureau administratif militaire, un bureau d'administration financière et un corps de magistrats indépendants. Il frappa la monnaie musulmane et fixa des salaires pour les fonctionnaires, pour les trésoriers, les gouverneurs, les juges, etc. Et il établit l'impôt foncier sur les terres en proportion du rendement. Il introduit ainsi la pratique de partage des terres et leur enregistrement. Il adopta un système de recensement, creusa des canaux, des puits et installa une prison et un service de police. Il mit aussi en place un système de collecte d'informations sur les pays étrangers et leur peuple avec un bureau d'agents secrets. Il versa des allocations pour les démunis, que ce soit pour les musulmans, les chrétiens ou les juifs. Ce que aujourd'hui, par exemple en France, hein, on pourrait appeler les allocations sociales, les allocations familiales. Il instaura la prière de Tarawih en congrégation pendant le mois de Ramadan. Il avait envoyé des lettres à toutes les provinces du califat pour prescrire cette prière-là. Il fut le premier à recenser le Coran dans un volume, un mushaf. Et il agrandit la mosquée sacrée de la Mecque et la mosquée de Médine. Et il fortifia des murailles tout autour pour éviter les rares inondations qu'il y avait. il établit tout un mouvement d'urbanisation dans les provinces du califat et des services d'administration. Et il fit aussi codifier la grammaire arabe. Le calife Omar Mukhattab vivait très modestement chez lui. Il se nourrissait très modérément. Les messagers venus de loin pour lui rendre visite à Médine purent se rendre compte de sa simplicité lorsqu'ils dînèrent chez lui. Sa tenue n'avait rien à voir avec celle d'un roi, mais consistait en une modeste tunique rapiécée. Lorsqu'il avait besoin de se reposer, il faisait la sieste sous un arbre. Les conseillers de Omar al-Khattab étaient des savants érudits, de tout âge confondu. Il leur donnait toute son estime. Et une anecdote témoigne de son ascétisme. En arrivant à Médine, le roi perse Hormuz trouva le califat dormant par terre tout seul, dans un coin de la mosquée, le visage face au mur et vêtu d'une modeste tunique. Hormuz demanda qui était cet homme. Et Anas ibn Malik, qui était présent, lui répondit : « Il s'agit de l'émir des croyants. » Tout surpris, Hormuz dit : « Est-ce le roi des Arabes qui dort là tout seul ? Ce doit être un souverain juste pour n'avoir pas besoin de gardien et pouvoir dormir ainsi en sécurité. Et cette tunique, la porte-t-il toujours ? C'est là le costume d'un prophète et non celui d'un roi. » Et Anas radiallahu anhu lui répondit : « Ce n'est pas un prophète, mais il en a le comportement. » Radiallahu anhu. ونكتفي على هذا القدر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.